Ah, voilà, normalement ça devrait être Allô, bon. Louis? Oui, je Bonsoir, suis là. Louis. Bonsoir, Super. Aline. Alors, c'est le grand jour du grand duel de quiz beauté avec toi et également Astrée qu'on va faire nous Je rejoindre suis tout de là, mais suite. je suis pas à la bonne place. Je devrais être avec vous deux. Je sais Et pas ce qui oui, se passe. Astrée. T'inquiète pas, Astrée, c'est parce qu'il faut que je t'ajoute. Est-ce que Astrée, tu peux cliquer sur le plus éventuellement pour faire une demande et nous rejoindre? Je ne sais pas si tu vois le plus sur l'écran de stéréo normalement, a priori. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est à toi de faire la demande là. Hop, salut Bonjour à tous. Juliette. Stré, je crois qu'il faut cliquer sur le petit plus rejoindre. Enfin, si ça se trouve, tu as déjà Bien joué testé. Juliette. Bien Tout joué à Juliette, fait. c'est ça. Alors on Non, va je vois pas de voir. plus. Je regarde si j'ai bien fait la mise à jour. Ah, il y a eu des mises à jour en effet. Ça Parce doit que être pour ça. sinon, je serais contrainte à rejoindre à ta place. Ah, Juliette se dévoue. C'est sympa, Juliette. Ça va, Louis, par cette journée d'été en avance, on va Tout à dire. fait, oui, ça va très bien, ouais, super. Alors, est-ce que Astrée va nous rejoindre à temps? T'as révisé, Louis, j'imagine? Intensément. Oui et non. Ah, je pense qu'Astrée est dans ce cas également. On va voir un peu ce que ça donne ce soir. Je rappelle que toi, lors de ton quiz à toi, tu avais eu 7 sur 8 sur le thème du C'est ça, maquillage. tout à fait. Astrée, quant à elle, avait eu 6 sur 12, la Ah. moyenne, tout juste. Donc voilà, on va voir maintenant si ce soir la tendance reste la même ou si la tendance s'inverse. Je regarde encore Voilà, tout si je à peux, fait. hop, si je peux la retrouver. Mais non, ah, peut-être, super.